France Inter, franceinter.com. Attention, message personnel, panique au Mangin Palace. Je répète, panique au Mangin Palace. Nous revoilà. C'est la panique en direct du Mangin Palace, épisode 167. Bienvenue à toi, dans ce monde archi-loufoque et total foutraque, où l'élégance se mélange au n'importe nawak, le tout dans une farandole de volutes sonores, orchestrée par une bande de doux dingues. La machine est prête et, a priori, nous serions ce matin, selon le grégorien, le dimanche 14 juin 2009, 11h05. Bonjour à toi, l'ami. Avant tout ce matin, dans Panique au Mangin Palace, tu es fichtrement impressionné par cet avis de décès que nous avons reçu lundi dernier. Le groupe Total Fina Elf, Dassault Aviation, Dassault Armement, les hélicoptères Apache, le RPR, l'UDF, les chars Leclerc, la DGSE, la Fédération Nationale des Agents Immobiliers, Bernard Kouchner, bref, la 5e République, ont la douleur de vous faire part du décès d'Omar Bongo. Oui, tu l'as bien compris, l'ami, ce matin, tu redécouvres ici les absurdités du monde qui t'entoure. Ainsi, le Mangin Palace te propose durant 53 minutes d'organiser un beau barnum burlesque autour des actualités manipulées par le prince du monde. Alors communions ensemble, chers amis, au nom de l'allégresse, de l'extase potache et du joda Saint-Esprit, ainsi soit-il. Voici donc la liturgie de notre joyeux panorama contre les assauts de la morosité. Eh bien, selon notre protocole, nous commencerons bien sûr par notre espiègle office post-électoral et freudien, durant lequel nous croiserons ce matin des vainqueurs et des vaincus. Dans la foulée, justement, nous reviendrons sur les destins croisés de Dany le Rouge et de François le Béarnais, deux attitudes foncièrement opposées. Ensuite, nous descendrons subrepticement dans les sous-sols obscurs et sinueux de l'INA, où nos joyeux fantômes radiophoniques se sont préparés cette semaine aux épreuves de philosophie du baccalauréat, qui se dérouleront jeudi prochain, de curieuses révisions que nous ausculterons ici avec délectation. Immédiatement après, direction Gros Boule-les-Bains, où nous te dévoilerons comment Jean-Claude et Monique appréhendent la fouille des cartables dans les établissements scolaires de notre petit village fleuri, police à tous les étages. Et puis, comme d'habitude, nous enchaînerons par les tribulations de notre facétieux reporter, aujourd'hui sur les traces du Don Quichotte de Sarreguemines. Et enfin, peu avant midi, afin de ne rien oublier de ces absurdes actualités, notre petit kiosque sévèrement fourni ouvre ses portes pour une authentique mais curieuse revue de presse. Une seule mission, tenter de chahuter tes zygomatiques. On est dimanche matin, on est bien et le décollage est imminent. Allez, c'est parti, c'est la panique en direct du Mangin Palace. Alors bien sûr, monte le son et fais le don de ton sang chaud. You know the music search engine need a tune-up. Soon as they out the gate, they all wanna hit a corner, uh-huh. Well, that was cool, but now, but then I heard a rumor, uh-huh. Your crew was riding for the white glistened over, uh-huh. Well, let me tell you how we do it in California. We'll have you on the run just like a puma. If it don't move us, ain't paid your dues and it ain't gon' get our groovers on. We'll lose you to the consumer solution, come on. It's a wonderful night, you gotta take it from me. It's a wonderful night. Come on and break it on down. It's a wonderful night. You gotta shake it for me. It's a wonderful night. Come on and break it on down. Girl, I want it. You got it. Your body's like a narcotic. The thought is autoerotic. Come on and break it on down. Can I get it on credit against your brick house? I bet it. Take it as far as you let it. Come on and break it on down. That the spot will get hot, that it's ready to pop. Don't even look at the clock, all of your problems forgotten. It's time to rock till you drop. Build a force and just fly to the epicenter of the party's bass tremors. Come on, it's a wonderful night. You gotta take it from me. It's a wonderful night. Come on and bring it on now. It's a wonderful night. You gotta shake it for me. It's a wonderful night. Come on and bring it on now. We rock like Colorado. Get out of throwing bottles. We give a fuck about your status, who you are tomorrow. Whether you beg or borrow, or hit the super lotto. Whether your girl look like a minga or a supermodel. Feel the connectedness, energy that's projected. The way that the whole collective consciousness arrives like helium up. Grooving out of the question, won't disrespect them. But our style fucking pouch like Dave Beckham, come on. It's a wonderful night, you gotta take it from me. It's a wonderful night, come on and bring it on. It's a wonderful night, you gotta shake it for me. It's a wonderful night, come on and bring it on now. It's a wonderful night, everybody can see. It's a wonderful night, come on and bring it on now. It's a wonderful night, you gotta shake it for me. It's a wonderful night, come on and bring it on down. Wonderful night, c'est le sublime Fatboy Slim qui a vécu une nuit d'enfer en 2004, sans doute parce qu'il a fait preuve d'un peu de discipline. Voilà. Une fois terminé, votre rectangle doit ressembler à un carré. Pourquoi, chef? Parce que c'est comme ça. Ça fait 22 ans que je suis dans l'armée, 22 ans que je fais mon lit au carré, et j'ai jamais demandé pourquoi. C'est comme ça et pas autrement. Compris? Oui, chef. Exécution. Alors, avant tout, votre toit confortablement, bien sûr, afin que nous amorcions ensemble les modestes péripéties laïques de ce 167e épisode du Mangin Palace, l'avant-dernier de la saison qui débute, comme tu l'entends derrière moi, par le traditionnel carillon annonçant notre petite session freudienne, où le fieffé sacripant de nos coursives, M. Divan Beaujolais, a traqué, comme à son habitude, l'inconscient du discours politico-médiatique où se mêlent cette semaine des vainqueurs et des vaincus. Allez, en route maestro, tends bien l'oreille, ainsi soit-il. Voisin. Cette histoire est tirée de faits réels. Nous restons évidemment au cœur de cette actualité européenne. Élection marquée partout chez les 27 par les mêmes tendances. Victoire des partis de droite, effondrement des partis de gauche et poussée des Verts. Je suis étonné qu'ils fassent déjà si frais en cette saison. Le tout sur fond d'abstention record. Excusez-moi, oui, vous avez raison, on dirait que ça se rafraîchit. 16,48% des voix, 14 députés, voilà pour les résultats. Non, je suis certain que c'est le moment idéal justement pour abandonner tout espoir. Le PS existe-t-il encore ce matin, Martine Aubry? Ça va, non, c'est pas du tout ce que vous croyez. Comme force politique d'alternance. Le Parti Socialiste a à l'évidence besoin d'une refondation, je le dis, j'essaye de le faire. Je pense que nous ne sommes pas allés assez loin. Ce n'est pas suffisant. Insuffisamment sans doute, avec peu de temps encore. J'ai beaucoup réfléchi. Payons aujourd'hui les divisions d'hier, un parti refermé sur lui-même. Je suis prête à subir la honte. Et je crois aussi une insuffisante ouverture et sur la société et sur les autres forces de gauche. L'humiliation. Moi, je prends la responsabilité collective qui est celle de notre parti et de ses dirigeants. La souffrance. Rachida Dati. De mauvaises nouvelles. Qui représente à ce micro l'UMP. Je savais pas que vous correspondiez. Bonjour. Vous vous attendiez à une victoire aussi nette? C'est un point de vue tout à fait personnel, mais... J'avoue que je n'en espère... Je veux dire, enfin, qu'est-ce que vous voulez que je dise? Moi, j'ai toujours fait campagne jusqu'au bout de terrain. Vous êtes sûr que vous ne couvrez pas quelque chose, vous? Mais alors, ouais. Comment analysez-vous le fait que 70% des électeurs aient voté ailleurs? Ça, pour une majorité présidentielle, quelle est votre analyse? Moi, ce qui m'intéresse, c'est que... Quoi? Des millions d'électeurs se sont quand même déplacés, malgré l'abstention. Oh, elle est bien passée, là. Voilà, maintenant on peut faire toutes les analyses statistiques, arithmétiques de ce que vous voulez. Maintenant, c'est à nous de nous tenir les engagements qu'on a pris. C'est vrai, je le jure. Je suis désolé. Non, mais... ça va, n'en parlons plus. Autre défait de ce scrutin, c'est François Bayrou, dont l'avenir semble bien sombre. C'est un homme seul, a dit de lui aujourd'hui le porte-parole de l'UMP, Frédéric Lefebvre. Qui aura du mal à se remettre de sa déroute. Eh, hey, mais sans déconner, il faut lui dire adieu. Le résultat d'aujourd'hui est une déception. Heureusement pour vous, je suis un honorable Béarnais. De ce résultat, bien entendu, comme président de ce mouvement, je prends ma part de responsabilité. Bon, ben, ravi de vous avoir rencontré. Bonne chance pour votre carrière de... Dany le Rouge devenu Dany le Vert. Dans le Béarn, on lui jette des figues. Le vrai vainqueur de cette élection, c'est lui et les idées qu'il véhicule, la méthode aussi. En dehors de ses fabuleuses propriétés telles que réchauffer en hiver, rafraîchir en été, stimuler les lymphatiques et calmer les neuropathes. La liste Europe Écologie, championne du recyclage des voix, socialiste probablement entre autres. C'est un choix très révélateur. Cette journée aujourd'hui peut être un grand moment. Un grand moment pour l'écologie politique. Si nous savons faire. Tu as été clair, brillant, passionnant. J'ai même compris une ou deux choses. Ah bon? Yo. Eh oui, il y avait sans doute une ou deux choses à comprendre des résultats des élections européennes le week-end dernier. Mais ce que personne n'a vraiment compris, c'est le coup de sang, 3 jours avant le scrutin, de François Bayrou face à Daniel Cohn-Bendit sur le plateau télé de Madame Chabot. Vous voulez épargner le pouvoir actuel en France. Alors, vous avez avec lui des relations amicales, sympathiques, formidables. Oui, allez, vous allez déjeuner Marchais, avec... continuez, je roule pour De Gaulle, je connais, ça fait 50 ans que je suis un traître. Mais c'est pas de ton niveau. Reviens sur terre, François. Moi, je c'est vous pas raconte le 16 décembre 2008, à la tribune du Parlement européen. Nicolas Sarkozy y dit, Monsieur Cohn-Bendit, on se téléphone souvent. Vous êtes venu déjeuner 3 fois à l'Élysée. En tant que président, certes, en tant que président du groupe, avec tous les présidents, dont le président de ton groupe. Pourquoi vous sentez-vous mal? Je me sens pas mal, je trouve ça ignoble de ta part. Tu as été député européen, tu sais ce que c'était. Et ce genre de jeu devant les citoyens, eh bien mon pote, je te dis, jamais tu seras président de la République. Très bien. Parce que t'es trop minable. Très bien. Trop minable. Ça chauffait à coups de chabot, dis donc. Mais la panique au Mangin Palace a flairé que cette analyse, cette attaque télévisée et en direct cachait en réalité quelque chose de plus profond. Alors, nous avons cherché, et pour ça, nous avons sorti le dossier de M. Bayrou et celui de Daniel Cohn-Bendit. L'un est bleu, l'autre est rouge, nous les avons mis côte à côte et là, d'un coup, tout est devenu clair. Daniel Cohn-Bendit et François Bayrou sont deux destins parallèles que rien n'appelait à se croiser. Et pourtant, ils sont nés tous les deux, à quelques années d'écart, dans le sud-ouest de la France. À peu de choses près, ils allaient au lycée ensemble. François Bayrou passait son baccalauréat en 1968, pendant que Daniel faisait son révolutionnaire à Nanterre, puis à la Sorbonne. Mais François aussi, en 1968, était un rebelle. C'est vrai qu'au niveau de l'Église... Le soutien n'est pas unanime. On est arrivé peut-être avec nos gros sabots, avec une manière un peu, peut-être un peu provocante, parce qu'on était jeunes, un peu tout fous, et qu'on voulait justement donner une image de l'Église pour dépoussiérer, décomplexer, et qu'on va trop vite. Mais non, François n'allait pas trop vite en 68. D'ailleurs, M. Bayrou poursuivait son aventure politique, toujours à contre-courant. Mais dites-moi, à quoi peut bien servir en notre temps un jeune républicain indépendant. Eh oui, pendant que François Bayrou faisait sa place à l'UDF, Daniel Cohn-Bendit poursuivait dans la provoque, comme par exemple sur le plateau d'Apostrophe où Bernard Pivot avait reçu le si regretté Paul Guth face à Dany le Rouge. C'était le 23 avril 1982. Il y a pas mal de drogues, les drogues douces, on défend ça, les petits gâteaux au hache, ah, fantastique. D'ailleurs, j'en ai pris un ce soir. Fantastique, je vous dis. Moi, je me sens en forme, décontracté. Ça va très bien pour moi. Paul Guth a pris un beefsteak, il est en pleine forme. Oui, mais Paul Guth... Mais je veux dire, justement, vous dites, vous avez... Tout à l'heure, ça m'a choqué. Vous avez dit, vous avez sauvé des jeunes de la drogue. Il y a des jeunes, effectivement, qui sont malades de la drogue. Mais ceux-là étaient malades. Mais tout à fait. Mais soyons très prudents sur la drogue. Soyons très prudents. Moi, je défends à fond, et dans ces communautés, c'est une valeur, c'est les drogues douces. On aime ça, écouter de la musique, écouter Sapho, avec ou en étant pété ou pas, ça change. C'est pas du tout la même chose. Écouter de la musique complètement pétée, mais aller au Brésil et être au bord de la mer, le soleil pété et la musique et la samba, je vous dis, fantastique. Et je vous le dis d'autant plus que j'ai jamais été au Brésil. Hein, c'est mon imagination. Oui, Danny a raison. Il faut faire attention avec la drogue. Parce qu'à force de se goinfrer de petits gâteaux aux haches, ça peut mal finir. Mais heureusement, dans ces moments-là, Daniel pouvait toujours compter sur le soutien de François. C'est toi, François ? Oui, c'est moi. Ça va pas ? J'ai très très froid. Ah, mais ça va s'arranger. T'as fermé la porte ? Oui, pourquoi ? Parce que j'ai été attaqué par des renards tout à l'heure. Ah, mais c'est normal, ça, c'est la saison. Ah bon ? Regardez si tu veux, hein, parce que les plantes sont graves, là, il y en a pour un moment. T'es sûr ? J'ai du mal à parler parce que j'ai les dents qui poussent. Bon, essaie de dormir un peu, là. Ah non, non, j'ai peur qu'il neige. Si neige, je te réveillerai. Tu promets ? Bah oui. Eh, s'ils reviennent, j'ai des comprimés contre les renards dans mon sac. T'auras qu'à les prendre, hein ? Eh, mais t'inquiète pas, ils me connaissent, les renards. Mais garde-les pour la prochaine fois. Oui. Voilà. Allez. Eh, t'es fâché, François ? Bah non, un petit peu. Hein ? Ça va. Viens-moi ça. Oh. Mais non, François n'est pas fâché contre Daniel. Enfin, à l'époque, il ne l'était pas encore. Pourtant, maintenant que l'un et l'autre cherchent à récupérer les électeurs de gauche qui fuient le Parti Socialiste, il y a de la tension dans l'air, surtout que Dany Le Vert récupère le pactole tandis que François est vert de s'être ramassé une gamelle. D'autant plus que François Bayrou, après son score à la dernière présidentielle, avait quelques certitudes. Cela dit, il n'aime pas ça. Je n'aime pas être sûr. C'est l'incertitude qui a du charme. Ah oui, tu dois en avoir des tas. Des incertitudes. Avec ton allure, faut pas rêver. Qu'est-ce qu'elle a, mon allure, Daniel ? Bah, en fait, y a pas tellement à corriger. T'es peut-être un peu trop hautain, tu vois, un peu trop collet monté. Alors essaye de ravaler ta dignité. Tu veux bien me rendre un grand service, s'il te plaît ? Trafiquer les freins de ta voiture ? Non, si tu me vois sur le point de ravaler ma dignité, tape-moi dans le dos pour me sauver. C'est qu'il fallait t'inventer. Ainsi donc, pour François Bayrou, la vie n'est pas facile, car il avait fomenté beaucoup d'espoir depuis que Daniel Cohn-Bendit avait appelé en 2007, au rapprochement entre les socialistes et les bayrouistes. Et aujourd'hui, François, solitaire, se rend compte que pour lui, Dany a toujours été un faux frère. Toi, frère, que je n'ai jamais eu, si tu savais ce que j'ai bu de mes chagrins en solitaire. Je t'ai dérangé, tu me pardonnes, ici, quand tout vous abandonne. On se fabrique une famille. Et aujourd'hui, dans la famille de François Bayrou, quelque peu mononucléaire, il est vrai, on trouve l'inépuisable Marielle de Sarnez, par exemple, mais aussi Corinne Lepage, qui a tout de même demandé un peu plus de dialogue à la direction du MoDem pour suivre le chemin d'Eva Joly et de Daniel Cohn-Bendit. Ils ont quelque chose que tu n'as plus, François. La jeunesse. Oh non. Ils n'ont même pas ton intelligence. Et ta force. Ils sont vivants. Toi, tu m'entretiens, mais tu ne me fais pas vivre. Parce que tu nous méprises. Alors je respire ailleurs. Et alors ? Pourquoi tu restes avec moi ? À ton avis, c'est pourquoi ? Par habitude ? Alors, c'est par intérêt. Toi, pourquoi tu restes ? Pourquoi je reste ? Parce que je continue à vivre avec cette putain. Mais pourquoi ? Arrête, François, arrête ! Pourquoi tu... Arrête, François, arrête ! Arrête, arrête, arrête, arrête, arrête, arrête, arrête, arrête, arrête. Pourquoi tu veux que j'arrête ? Arrête ! Pourquoi j'arrête ? Arrête, arrête, arrête. Get out of my way. There's nothing left to say. I don't wanna go astray. So get out today. When you are running circles in a big roundabout, each round I'm getting more stressed, 'cause you block my way out. With you, I'm in danger. cause I'm ready to kill. See, if you don't wanna swallow my anger, you should keep your cool and chill. Just keep your cool and chill. Get out of my way. Get out of my way, sors de ma vie. C'est ce que réclame ici la sublime chanteuse germano-nigériane Mademoiselle Ayo. Un métissage qui ne ressemble en rien à celui de la France-Afrique, dans lequel certains grands fauves se sont bien goinfrés du pognon d'Omar Bongo. Calomnie, bien sûr, odieuse calomnie. L'argent du RPR, on le sait tous, a toujours été propre. Bah quoi, ça va, il y a prescription, on peut rigoler, non ? Bien. Alors maintenant, après avoir pris conscience des authentiques différences qui opposent Daniel Cohn-Bendit à François Bayrou, la panique au Mangin Palace ouvre dès à présent à 11h26 sa singulière séquence consacrée aux actualités du lointain. Avant tout, sache que jeudi prochain, le 18 juin, commenceront les épreuves du baccalauréat session 2009. Et, comme d'habitude, les lycéens commenceront par une dissertation de philosophie. À ce propos, les rumeurs académiques véhiculent que les sujets pourraient être très liés à l'actualité, du genre, à Gandrange, les promesses n'engagent que ceux qui les reçoivent. Qu'en pensez-vous ? Ou encore, est-ce moral d'exagérer l'ampleur d'une crise pour licencier plus d'ouvriers. Toujours est-il que nos joyeux fantômes radiophoniques ont été déconcertés par la rumeur de ces curieux sujets. Immédiatement, ils ont alors décidé d'accentuer leur révision, toujours en compagnie de notre Bernard Lhermitte, bien sûr, planqué dans sa boîte d'archives. Ainsi, tends bien l'oreille et découvre ici la vie parallèle de l'Institut National de l'Audiovisuel. Des révélations, des hypothèses. Un Bernard Lhermitte. Qui demande la parole ? Cette semaine, à l'INA, on était, donc on pensait. Et jeudi soir, on a pensé qu'il ne nous restait plus qu'une semaine pour réviser le bac de philo. Alors on s'est mis au boulot. On sait que la plus célèbre dissertation sur le je ne sais quoi est due à la plume du père Bouvour. Surprise, étrangeté, mouvement, forme, couleur. Tout ce charme de ce qui est trop vaste, trop changeant et trop varié pour être saisi en termes d'analyse appelle naturellement, sous la plume de Bouvour, le je ne sais quoi. Bon, on ne savait pas trop quoi. Alors on a cherché un prof particulier. Et Raymond Queneau, en personne, s'est présenté au casting. Je voudrais insister sur ce fait que vous êtes licencié de philosophie, que vous avez commencé par faire des études qui vous portaient justement à l'étude de la philosophie. Il y a donc en vous un logicien qui fait très bon ménage avec le fantaisiste et l'humoriste. Mon point de vue n'est pas particulièrement original. C'est la simple constatation du divorce qui existe actuellement entre la langue française parlée et la langue écrite. Je pense qu'il serait intéressant de donner à l'expression des idées une jeunesse grâce à l'emploi du langage parlé. On était vraiment contents d'apprendre qu'on pouvait écrire comme on parlait. Enfin, ces aptitudes vous ont permis de mieux apprécier les investigations de Descartes. Et quelle est la méthode alors que vous préconisez ? Eh bien, la méthode, ce serait justement de traduire le discours de la méthode en français contemporain. Alors on est sorti s'installer sur l'herbe. Et avec un prof comme ça, on ne pouvait plus s'arrêter de philosopher. Pourquoi défendre le faible ? Faut-il dire la science ou les sciences ? Nos pensées sont-elles en notre pouvoir ? La conscience peut-elle errer ? Peut-on distinguer droit de l'homme et droit du citoyen ? Est-il raisonnable d'aimer ? Peut-on concevoir une connaissance de l'homme indépendante de la philosophie ? Quelle différence faites-vous entre art et technique ? Ne peut-on aimer que le beau ? Quel rôle revient au sentiment de respect dans la vie morale ? L'enfance est-elle le sommeil de la raison ? Faut-il tenir compte des considérations morales quand il s'agit de résoudre des problèmes économiques ? Suffit-il de changer pour avoir une histoire ? Le problème, c'est qu'on était tellement inspirés qu'on a trouvé sans le faire exprès les vrais sujets du bac. Et là, les ennuis ont commencé. Une enquête est ouverte, le parquet est saisi d'une plainte déposée par les parents d'élèves. Le problème est de déterminer la source de la fuite. Or, la procédure de détermination des sujets, le secret qui les entoure, toutes les précautions qui sont prises sont très rigoureuses. Et pourtant, il y a eu une faille. La police s'efforce de découvrir les responsables. On interroge des élèves, on a procédé à l'audition du professeur de philosophie qui avait été mis au courant par ses propres élèves des sujets de l'épreuve. Et au commissariat, le prof Queneau a été salement cuisiné. Qu'est-ce qu'un fait ? Qu'est-ce que juger ? Le droit se fonde-t-il sur la réciprocité ? Y a-t-il à la question « que faut-il faire ?» une réponse ayant valeur universelle ? Mais en sortant, Queneau n'avait pas perdu son sens de l'humour. Et il nous a raconté, à sa manière, son arrestation. Ouais, police. Mais j'ai rien fait, j'étais en train de dormir, moi. Bah tu raconteras ça au juste quand tu seras réveillé, ta gueule. Ils avaient des bonnes balles, les mecs de la BAC. Brigade anticriminelle. Mais les mecs de mon quartier aussi, ils avaient des bonnes vannes. Parce que quand ils voyaient les mecs de la BAC, ils leur disaient « Hey, les mecs de la BAC ! Quand est-ce que vous passez le BAC ? Cours, cours, cours !» Merci beaucoup, Flora Bernard, pour cette synthèse poético-burlesque qui s'achève sur la police à l'école. Eh bien, justement, découvrons dès à présent les actualités locales de notre petit village fleuri. Voici donc notre décrochage régional. Direction Gros Boule des Bains. Monique est amnésique. Monique. Comment vous appelez-vous, vous ? Jean-Claude. Ça vous va, c'est fou. Alors maintenant, toujours en direct du Manchin Palace à 11h32, retrouvons immédiatement nos deux biscornus, à savoir Jean-Claude, le faux naïf, et Monique, la politique de l'autruche. Car vois-tu, lundi matin au bureau, après le week-end de la fête des mères, notre Jean-Claude, tout couillon qu'il est, faisait remarquer à l'un de ses collègues combien il était heureux de constater que son fiston Rémi devenait réellement adulte. Ça fait 6 mois qu'il nous demande plus d'argent de poche d'ailleurs. Enfin, attends, s'il ne demande pas d'argent, il le trouve où, un gosse de 13 ans ? Ben je sais pas, moi, il se débrouille. Ah bon ? Hey, un gosse qui offre un lecteur DVD pour la fête des mères, tu vas pas me dire que c'est le mauvais bougre, non ? Non, mais enfin, tu te poses pas des questions, c'est étrange quand même. Mais attends, t'as pas de gosse, tu sais pas ce que c'est, toi, Hervé. Un gosse, ça aime chahuter, ça aime découvrir la vie, c'est... Tu vois ? Enfin, tu fais la politique de l'autruche, là, tu fais l'aveugle, enfin... Quoi ? Tu fais le sourd, en plus ! Hein ? Non, tu te fous de ma gueule. Enfin, c'est pas mon problème, mais... Dis-moi, le DVD qu'il a offert pour la fête des mères, là, c'est un multizone ? Bah forcément. Oui, c'est un multizone. T'étais pas équipé, toi ? Oui, mais c'est un vieux clou, lis pas les imports. Ah, c'est con. Ouais, j'en achèterais bien, mais c'est cher. Ah ouais. Ah ben oui. Devant une marchandise tombée du camion, c'est toujours pareil. Au début, bon, on est faussement outré, et puis très vite, on a tous envie d'en profiter. Toujours est-il que lundi soir, intrigué par cette discussion, Jean-Claude a tout de même voulu savoir d'où Rémi sortait ce lecteur de DVD, bon sang. C'est alors que le môme lui a expliqué que désormais, depuis que Gros Boule a été choisi comme zone test pour la fouille des cartables à l'entrée du bahut, eh ben Rémi file un coup de main à la police. Comment ça ? S'est exclamée Monique. Eh ben, en gros, Rémi leur sert d'indic et régulièrement, les flics trouvent un moyen de le remercier. Tu as fait un super boulot. Avant, il y avait des couloirs dans cette école qu'on n'osait même pas emprunter. Maintenant, je me sens en sécurité partout. Chaque jour est un nouveau combat, monsieur. Cette école est un véritable état policier. Les élèves n'osent même plus éternuer. Il faut que je te remercie. Suis-moi. Madre de Dios! Ah, c'était pas une légende! À chaque fois qu'un professeur confisque quelque chose, ça atterrit ici. Sous-vêtements provoquants, collection complète de mad, de crack et un numéro isolé de crazy. Maintenant, pour te prouver ma gratitude, je veux que tu emportes l'article de ton choix. Eh ben, Rémi a donc choisi un lecteur de DVD. Effrayée par cette nouvelle, Monique décida aussitôt de rapporter son cadeau de fête des mères dès le lendemain à l'école, et elle en profiterait d'ailleurs pour manifester sa colère, d'apprendre qu'on transforme les gamins en délateurs zélés. C'est ainsi que mardi matin, Monique s'est pointée au bahut où, en effet, des agents de police fouillent les cartables à l'entrée. Seulement voilà, certains lycéens tentent naturellement de s'y soustraire. Arrêtez-le ! Essaye, tête de lard ! Faut pas être insolent avec ces cons de poulets ! Allez, embarquez-le ! Tu connais le châtiment pour un esclave qui insulte un représentant de l'ordre ? Je sais, monsieur, je sais ! Bon, d'accord. Toi, tu as levé la main le premier. Le supplice de la roue ! Non ! Moi, monsieur ! La crucifixion ! Faux ! Moi, monsieur ! On lui introduit un serpent dans le cul. Oh, non, mais ça mérite réflexion. Toi, on le jette dans la fosse au lion. Exact. Non. Ne dites pas non, cet homme a raison, on le jette au lion. Monique est véritablement choquée par cette scène surréelle à laquelle elle vient d'assister. Certes, il faut enseigner aux mômes une certaine courtoisie à l'égard des forces de l'ordre. Mais jamais on ne doit devenir un lapin apeuré dans les gyrophares. Bien entendu, Monique veut éclaircir toute cette histoire avec le proviseur du lycée. Si bien qu'elle pénètre dans la cour du bahut, où là, elle constate qu'un autre agent de police a convoqué tous les mômes devant lui sous le préau, car figure-toi que la veille, une grave infraction a été commise au lycée. Oui, on a découvert dans les toilettes du gymnase un exemplaire de la princesse de Clèves. Si dans 3 secondes je n'ai pas le coupable, chacun d'entre vous fera 6 heures de cachot à tour de rôle. Ceci jusqu'à ce qu'il se dénonce ou soit dénoncé. Compris ? 1, 2, 3. Personne ? Naturellement. J'ajoute que tant que le coupable ne sera pas connu, la récréation est supprimée, les visites interdites. Je vous invite donc à le dénoncer au plus vite. Spectatrice de cette redoutable intimidation sous le préau, Monique commence sérieusement à s'inquiéter de ce qu'est en train de devenir le lycée de Grosboul-les-Bains sous l'égide de la police. Immédiatement, Monique s'engouffre dans le bâtiment A, où se trouve le bureau du proviseur, avec qui elle compte bien faire le point sur cette atmosphère sécuritaire. Quand soudain, au 3e étage... Monique passe devant une salle de cours où là aussi, visiblement, depuis l'arrivée de la police, les méthodes d'enseignement ont quelque peu changé. Veuillez répéter. Tout paye, pède, pède. Avec l'accent. Tout paye, pède, pède. C'est mieux. Paye, pède, pède. Donnez la bonne réponse. Je m'en fous. New York. Réponse fausse. Washington. Réponse exacte. Oui, les profs ont disparu, remplacés désormais par des machines à interrogatoire. De plus en plus oppressée par ce climat carcéral au cœur du lycée, Monique arrive enfin au secrétariat du proviseur, où là, elle tombe sur une discussion entre un curieux conseiller d'éducation et encore un agent de police. Un enfant de 8 ans a été entendu par les gendarmes ? Oui, pour une bagarre à l'école. C'est bien. Qu'en est-il de l'enfant de 4 ans là, qui a jeté du sable sur son petit frère ? L'enquête est en cours, il a avoué ce petit bâtard ? Faut le coffrer, hein ? Monique est à bout de nerfs, car désormais le lycée de Rémy ressemble à s'y méprendre à la prison d'Alcatraz. Bien sûr, elle mise tout sur son rendez-vous avec le proviseur pour l'alerter de ses dérives policières. Mais bon, son bureau est déjà occupé par les parents d'un élève qui, eux aussi, désespérément, recherchent l'aide du proviseur. Enfin, du proviseur, c'est vite dit, hein. On a tout essayé, monsieur le commissaire. La douceur, la persuasion, les sanctions. Remarquez, on ne l'a jamais battu, ça, on peut pas dire. Il y a des cas où les bonnes vieilles méthodes... Oui, bien sûr. Seulement, c'est pas notre genre, à sa mère et à moi. On le laissait plutôt libre. Trop, peut-être. Non, ça, on peut pas dire non plus. Enfin, dans la mesure où on travaille tous les deux, vous savez ce que c'est. Oui, je suis père de famille, moi aussi. Faut reconnaître que parfois, on ne s'y retrouve pas très bien. Mais si seulement il avait voulu se confier à nous. Et pensez-vous, on lui parle, il est ailleurs. Tenez, vous croyez qu'il écoute, là? Allez savoir ce qui lui passe par la tête. Cabanel! Voulez-vous me consigner la déposition de ce garçon? Vagabondage et vol. D'accord, patron. Allez, viens. Totalement effrayée par ce qu'elle vient de découvrir, Monique rebrousse chemin et s'enfuit du lycée de Grosboul-les-Bains, devenu ni plus ni moins une succursale du commissariat. Bien entendu, dès mardi midi, elle a prévenu les édiles municipaux qui ont immédiatement suspendu ce test de la fouille des cartables à l'entrée du bahut. Et avec cette histoire, Monique a fait remarquer à Jean-Claude mardi soir combien l'espace des libertés publiques est sans cesse réduit, y compris à l'école désormais. Et pourtant, franchement, Monique n'est pas une dangereuse anarchiste. Elle sait bien que certains inspecteurs de police, par exemple, ont une approche bien plus subtile de la loi. J'ai eu un malaise, moi. Bah écoute, regarde-toi, t'es tout pâle, t'es vert même. Ce qui me rend malade, c'est de voir qu'on fait pas notre travail. Mais qu'est-ce que c'est notre travail? C'est assurer la sécurité de nos concitoyens. Arrêter les délinquants, vous savez très bien d'ailleurs. Ah bon, tu veux arrêter quelqu'un? Ah bah dis donc, tu vas pouvoir faire un carton, hein. Tiens, la terrasse du café, là, trop longue d'un mètre, interdit, article R38-7. Cette bonne femme à poil sur l'affiche, là, c'est interdit, article G92. Un petit vieil qui traverse en dehors des clous, là, tiens, regarde là. Interdit. Le travelot, là, au coin, le travelot, interdit en dehors des périodes de carnaval. Le clébard, qui fait pas où on lui a dit de faire, au niouf. Et les deux mecs qui fument du hache dans le passage, là, interdit. Le commerçant qui affiche pas ses prix, interdit aussi. Alors tu descends et tu arrêtes tout le monde. Allô? Voiture 26 à autorité. Envoyez urgence, 6 quarts de police, le nouveau a arrêté 250 personnes. Bien. Alors maintenant, toujours en direct du Mangin Palace à 11h41, après avoir découvert le désarroi de Monique devant une forte présence policière dans un établissement scolaire, il est l'heure de retrouver notre petit reportage Made in Panic consacré ce matin à cet étrange Don Quichotte originaire de Sarreguemines. En effet, notre facétieux reporter, M. Julien Dugast, s'est intéressé cette semaine à M. Robert Thiel, un homme de 44 ans, au chômage depuis 2 ans et sans indemnité depuis 8 mois. Bon, jusqu'ici, tu me diras, rien de bien original. Sauf que voilà, M. Thiel a décidé de se manifester directement auprès de Nicolas Sarkozy, le Pôle emploi, et pour attirer l'attention présidentielle, Robert a choisi de devenir un chevalier errant, puisqu'il vient à pied de la Moselle jusqu'à Paris. Il s'était lancé le 2 juin dernier et c'est jeudi soir, à la fin de sa journée de marche, que M. Dugast a joint par téléphone ce Don Quichotte des temps modernes que nous allons découvrir, chers amis, juste après la virgule. Seigneur, tu as mis au monde beaucoup, beaucoup trop de pauvres gens. Mais s'il n'y a pas de honte à être pauvre, il n'y a pas de quoi en être fier non plus. Quel mal y aurait-il si j'avais une petite... petite fortune. Commencez par me raconter un petit peu votre histoire. Me raconter pourquoi vous êtes sur les routes depuis le 2 juin. Bah, cette histoire est simple. Je suis demandeur d'emploi depuis 2 ans, sans rémunération depuis 8 mois. Et la colère commençait à monter de plus en plus. Et puis je me suis dit, à un moment donné, il va falloir faire quelque chose. Et ce quelque chose, je me suis dit, faisant quelque chose de simple. Et j'ai pris mon courage à deux mains, j'ai pris mon sac et je me suis dit, je vais aller voir le président. Il lui parut nécessaire, autant pour l'éclat de sa gloire que pour le service de son pays, de se faire chevalier errant et d'aller chercher aventure avec ses armes et sa jument. Il voulait pratiquer tout ce que pratiquaient les chevaliers errants en ses livres. Il se préparait à redresser tant de torts et tant de griefs qu'il verrait la valeur de son bras récompensée, en moins de temps qu'il n'en faut pour le dire, par quelque chose comme l'Empire de Trébizond. Je suis père de 3 enfants et il faut que j'assume. Et donc je cherche tout simplement un emploi stable et durable. Depuis 8 mois, je ne touche plus rien, puisque j'étais en fin de droit. donc je ne touche plus de chômage. Il me reste que cette maigre pension militaire qui est de 20%. Chiffrée en euros, ça fait 108 euros. Ça fait 10 jours que je marche. J'ai dû faire donc à peu près les 300 km déjà. 1 km à pied, ça use, ça use. 1 km à pied, ça use les souliers. Par contre, je suis encouragé sur mon passage par des klaxons, des gens qui me font des signes de la main, qui s'arrêtent, qui m'encouragent, qui viennent me serrer la main. Enfin, c'est formidable, je ne m'attendais même pas à ça. Parce que vous avez indiqué votre quête sur un panneau que vous portez, c'est ça? Tout à fait, ouais. Il y a marqué donc quoi sur ce panneau? Qu'est-ce qui... Devant, il y a marqué Moselle, Paris, l'Elysée. Et puis à l'arrière, sur ce même panneau, enfin, il y a aussi marqué Moselle, Paris, l'Elysée, chômeur en colère. Dites-moi, frère, n'est-ce pas de votre maître que circule une histoire imprimée? L'ingénieux Don Quichotte de la Manche, c'est lui-même, le vrai Don Quichotte, imprimé et raconté en histoire. Et les gens comprennent quand vous leur expliquez un petit peu quels sont vos problèmes et vos revendications? Bien sûr qu'ils comprennent, ils sont curieux de savoir un peu pourquoi, comment, etc. Mais ils comprennent très vite que les problèmes, ils sont touchés aussi, de près ou de loin. Partout dans les familles, ils connaissent au minimum un demandeur d'emploi. Seul sur la route où chantait mon bonheur. Je reviens du chagrin plein le cœur. Finalement, c'est un peu votre Pékin Express à vous. Mon Pékin Express à moi, il est plus simple, c'est-à-dire que j'ai pas un euro par jour. J'ai toute la richesse de cœur et d'esprit des gens de la France d'en bas, on va dire. Puisque je ne puis plus être chevalier, nous allons rentrer chez nous et nous faire berger. Ne serait-ce que pendant cette année. Nous prendrons quelques brebis et nous partirons à travers bois. Je serai le pasteur Quichotise, et toi le pasteur Sanchico. Miséricorde, quelle vie nous allons mener! Eh oui! Qui sait? Nicolas Sarkozy va peut-être devenir le Sancho Panza de Robert Thiel. Selon ses prévisions, notre Don Quichotte de Sarreguemines devrait arriver à Paris mardi. Souhaitons bien sûr qu'il soit reçu à l'Elysée, et là, va savoir! Mais nos deux compères vont peut-être reprendre la route ensemble, comme une quête au service des plus faibles. Cela dit, attention, Monsieur Thiel doit avoir conscience que Monsieur Sarkozy est un compagnon de marche très particulier. Mais attendez-moi, bon sang! Mais dépêchez-vous! Eh ben, j'ai les pieds gonflés, là! J'ai un pied énorme! Évidemment, c'est pas des chaussures pour la marche que vous avez là. Puisque vous me le proposez si gentiment, j'accepte. Quoi? Que vous me prêtiez vos souliers. Bah, vous chaussez du combien? J'ai du comme vous. Ah bon? Ah, ben là, ça va mieux. Allez, voilà. Attendez-moi quand même. Allez, venez, allons. Il faut que je m'y habitue. Allons, venez, bon sang. Je viens rechercher mes bonbons. Vois-tu, Germain, j'ai eu trop mal. Quand tu m'as fait cette réflexion au sujet de mes cheveux longs, c'est la rupture bête et brutale. Je viens rechercher mes bonbons. Maintenant, je suis un autre garçon. J'habite à l'hôtel Georges V. J'ai perdu l'accent bruxellois. D'ailleurs, plus personne n'a cet accent-là. Sauf Brel, à la télévision. Je viens rechercher mes bonbons. Quand père m'agace, moi je lui fais zop. Je traite ma mère de névropathe. Faut dire que père est vachement batte, alors que mère est un peu snob. Mais enfin tout ça, c'est le conflit des générations. Je viens rechercher mes bonbons, et tous les samedis soirs que je peux, Germain J'écoute pousser mes cheveux. Je fais glou-glou, je fais miam-miam. Je défile criant, paix au Vietnam. Oh, bravo. Parce qu'enfin, enfin, j'ai mes opinions. Je viens rechercher mes bonbons. Oh, mais c'est ça votre jeune frère, Mademoiselle Germaine. C'est celui qui est flamingant. Je vous ai apporté de bonbons. Oh. Parce que les fleurs, c'est périssable. Puis les bonbons, c'est tellement bon. Puis que les fleurs soient plus présentables. Surtout quand elles sont en bouton. Les bonbons, ce sont ceux que reprenait Jacques Brel en 1967. Car il sait bien, Jaco, que les bonbons, il ne faut pas en abuser. Sous peine d'être obligé d'aller chez le dentiste. Enfin, je gardais cette information pour la fine bouche. À Quillota, au Chili, un homme s'est juré de ne plus jamais sourire tant qu'il n'aurait pas récupéré son dentier. Dentier qu'on lui a volé, tenez-vous bien, alors qu'il faisait la sieste sous un arbre et dormait donc tranquillement la bouche ouverte. Ce Chilien, au sommeil plutôt lourd, ne s'est même pas rendu compte qu'on lui volait son dentier. Effet plus grave, il n'a même pas pu garder une seule dent contre son voleur. Alors maintenant, à 11h50, nous accueillons avec grand plaisir notre ami Xavier Mauduit afin de compléter au mieux notre petit tour d'horizon déjanté de l'actualité. Ainsi, la panique au Mangin Palace ouvre son petit kiosque à journaux. Allô Marcel. Ce que je reproche aux journaux, c'est de nous faire faire attention tous les jours à des choses insignifiantes, tandis que nous lisons 3 ou 4 fois dans notre vie les livres où il y a des choses essentielles. Alors, comme tout palace qui se respecte, le Mangin Palace, bien sûr, dispose d'un petit kiosque à journaux sévèrement fourni. Et afin de ne rien oublier d'essentiel, Monsieur Mauduit, ici présent, s'est chargé pour nous de feuilleter la presse. Bonjour Mauduit. Salut Colin. Alors, que dit la presse cette semaine, camarade ? Bien, cette semaine, la presse a été très attentive à tous ceux qui ont besoin d'aide. C'est gentil. Eh oui, c'est très gentil. Alors, que trouve-t-on ? Le Washington Post Online nous racontait jeudi dernier comment le président Obama a encore fait son kéké, mais toujours avec la super classe. Pendant une réunion publique à l'école de Green Bay, dans le Wisconsin, un monsieur, John Corpus, lui a posé une question sur la réforme du système de santé. Et John, en posant sa question, a précisé qu'il était accompagné de la petite Kennedy, sa gamine âgée de 10 ans, et qui manquait l'école pour voir le président Obama. Et là, Barack, toujours à la cool, très maître de lui, a proposé de rédiger, et il a rédigé un mot d'excuse. Il a donné ça à la gamine, ça donne ça. À l'enseignant de Kennedy, veuillez excuser l'absence de Kennedy, elle est avec moi, signé Barack Obama. Ça le fait, hein. Ça le fait, c'est magnifique. Ça le fait. Ah, excuse-moi Philippe, j'entends un commentaire de Marguerite. Marguerite de Saint-Raphaël qui vient de dire à côté de son transistor que chez nous, et c'est plutôt au môme qu'on demandera bientôt leur papier avec en prime une garde à vue. Bon, c'est pas faux Marguerite, c'est vrai. Voilà, bon, c'est quand même la classe pour un écolier d'avoir un mot d'excuse signé président Obama. Et elle s'appelle Kennedy en plus. Et elle s'appelle Kennedy. D'ailleurs, il l'a remarqué, Obama, il a dit, wow, c'est cool. Alors, à l'inverse, nous, on l'a tous constaté le week-end dernier, Barack Obama a pris le chemin des écoliers lors de sa visite en France. Oui. Et oui, sur les 36 heures passées chez nous, il n'est resté que 4 heures avec président Sarkozy. C'est vraiment il était énervé, il paraît. Ah oui, mais c'est le minimum protocolaire. Hein. Hey. Mais c'est bizarre, moi je comprends pas trop. Parce que, voilà, une petite soirée en famille avec les Sarkozy, ça va être super sympa. Et surtout, bah, s'il y a Jean Sarkozy, jeune dynamique, Jean-Marie Bigard, la déconne, Brice Hortefeux, ça doit être énorme. Je comprends pas pourquoi il n'y a pas été... Pareil, M. Obama s'est privé des commentaires éclairés de président Sarkozy lors de la visite du centre Pompidou. Moi, c'est un fantasme. Visiter le musée Pompidou, là, Beaubourg, avec Sarkozy pour guide, ça doit être magnifique. Et... Pardon, excusez-moi Philippe, j'entends encore une remarque d'un auditeur. C'est Jean-Marc de Dieppe qui vient de dire que Sarkozy à Beaubourg, c'est tout à fait possible parce qu'avec ses tics, il ressemble à un mobile de Calder. Bon, oui, pourquoi pas, Jean-Marc, voilà. Bon, notre président, il s'est quand même consolé d'avoir été snobé par Barack Obama, car il a pu savourer les résultats des élections aux européennes. C'est magnifique, oui. Hein. L'UMP est arrivé en tête en France, la droite a gagné un peu partout en Europe, rien à dire. Hein. On ne change pas une équipe qui gagne. Alors, bon, moi, pour mieux comprendre la politique du moment, je me suis plongé cette semaine dans le magazine qui nous donne les clés sémantiques pour mieux appréhender le monde politique post-élection. c'est le magazine Total Catch qui nous offre donc un lexique avec les bases du parler catch. C'est passionnant le catch. Bon, ils ont 14 posters, c'est très beau. Dans le sport de combat, hautement codifié, on a le jobber. Le jobber. Ouais, le jobber. Eh bien, c'est le catcheur dont la fonction consiste à perdre les matchs pour mettre en valeur ses adversaires. Le jobber de Bigorre, François Bérou. Ouais, c'est pas mal. Bon, sinon, qu'est-ce qu'on a comme type de catcheur? On a le babyface, le catcheur qui a la faveur des fans. Un showman, quoi. Danny en babyface. Qu'est-ce qu'on trouve encore? On trouve, ah oui, le tag team qui subit le pinfall. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, c'est pas rien. Hein. C'est une équipe de plusieurs catcheurs qui se passe le relais et qui se fait écraser au sol, quoi. Bon, le bureau politique du Parti Socialiste, voilà. Oui. Non, justement, les socialistes, ils sont un peu déçus de leur score aux européennes, mais ils peuvent chercher des solutions dans le magazine Sciences Humaines du mois de juin, oui, qui consacre sans doute spécialement à un sujet à ce dossier d'actualité, changer sa vie. Voilà, bon, il y a longtemps, le PS voulait changer la vie. Oh là là, maintenant, c'était... Maintenant, c'est plutôt changeons notre vie. Déjà pour commencer. Voilà, que le PS commence à changer sa vision de la politique. Hein, parce que dans Sciences Humaines, on trouve un article totalement adapté à la situation avec ce titre évocateur. Se reconstruire après un traumatisme. Voilà, l'article s'appuie sur les travaux du psychiatre Patrick Clairvoy qui a étudié ce qu'il appelle le syndrome de Lazare. Voilà, Lazare, vous savez, c'est le type que le frère de Marie et de Marthe de Béthanie que Jésus a ressuscité. Il était mort depuis 4 jours. Voilà, lève-toi et marche. Ben oui, mais bon, selon la tradition, Lazare, il est toujours représenté un peu blafard. Il fait peur. Il est quand même resté 4 jours mort. Avec un mot d'excuse, signé Jésus. la classe. Voilà, donc l'article de Sciences Humaines se termine par cette conclusion. Face à un désastre, autrefois, il était mal vu de ne pas toucher le fond. On avait l'air un peu, genre, c'est pas normal, malade mental, etc. On devait être déchiré de tristesse, alors qu'aujourd'hui, c'est l'inverse. Face à un trauma, il faut qu'on ait l'air solide et tout. Alors que le canard enchaîné, lui, apporte des éléments qui peuvent aider les perdants à supporter le traumatisme post-électoral. Le canard nous rappelle qu'en 1994, le PS n'avait fait que 14%. Et que 3 ans plus tard, bingo, c'était Jospin qui gagnait les législatives. Pareil, en 99, Sarkozy n'avait obtenu que 12%. Paf, 8 ans plus tard, il est élu président. Voilà, donc, en politique, c'est comme pour le catch. Hein. Un combat peut basculer comme ça en quelques instants. Bon, il suffit juste de peaufiner le travail d'équipe. L'équipe, que ces équipes mettent de jolies petites tenues, très saillantes. Merci, Monsieur Mauduit, pour cette formidable revue de presse. À la semaine prochaine, cher ami, le kiosque referme ses portes. Voilà, fin du 167e épisode. Tout le monde descend, faites gaffe de ne rien avoir oublié. C'était les actualités revues et corrigées par la bande de furieux du Manche à Palace. On se retrouve dès le week-end prochain, le samedi et le dimanche, et en direct sur France Inter pour les derniers épisodes avant l'été. Panique au Manche à Palace est une émission coécrite, c'est les doigts dans la prise, avec le professeur Mauduit, un ami précieux que je remercie chaleureusement. Merci à toi, Monsieur Xavier. Au platine, au montage et à la réalisation. Et il y avait bien sûr ce matin le maestro H2M, Henri-Marc Mutel. Merci beaucoup, Marco. Assisté aujourd'hui à la technique de Sophie Moreno et de Patrick Henry. Merci beaucoup à vous deux. C'était parfait, vraiment parfait. Pour toute la documentation et la préparation des clips sonores, on dit merci beaucoup à Flora Bernard, Julien Dugast, Claire-Sophie Collet, Yvan Beaugelet et Lina Lhomme. Pour les scuds et toutes ces trouvailles, on a l'inépuisable Thierry Dupin. On remercie également vivement. Merci aussi beaucoup à Olivier Lefayère pour toutes ses idées complémentaires ainsi qu'au formidable documentaliste de Lina. Voilà, pour toutes les informations supplémentaires, la panique au Manche à Palace possède un site internet sur franceinter.com où vous pourrez dans quelques minutes, je l'espère, récupérer l'émission pour une balado-diffusion, autrement dit le podcast. La journée continue sur France Inter. Après le flash, vous retrouvez Marie-Pierre Planchon et sa propre recette du crumble. Allez, portez-vous bien, prenez soin de vous. On se retrouve dès samedi à 11h pour le Ministère Psychique et dimanche prochain, toujours à 11h et en direct sur France Inter pour le dernier épisode de la saison du Mange un Palace. Mais en attendant, d'ici là, un seul mot d'ordre. Surtout, surtout, ne lâchez rien. Ciao. On dirait que c'est la fin. Attends un peu, c'est moi qui suis le chef. Je dirai quand ce sera la fin. Ils couinent encore, ces salauds-là. C'est la fin.